Chaque soir il monte sur scène, il chante, il boit à perdre haleine. Sa main s'énerve et elle s'agite, la marée monte, il prend du gîte. C'est un sacré pilier de comptoir, ses ardes sont de vrais cauchemars. À la trinquette, c'est la panique. C'est un sacré pilier de comptoir, ses ardes sont de vrais cauchemars. Voilà le barde édique. Arborant un chapeau colonial, un brin décalé, pas banal. Il bénit sa fracture du nez, qui lui valut ce sobriquet. Cette syllabe brève et futile, incontournable figure de l'île, artiste et personnage public. Cette syllabe brève et futile, incontournable figure de l'île, c'est lui le barde édique ce cas à part. L'intégration, son seul visage, c'est un surnom, mieux qu'un blason, qu'une couronne. Bifou ça claque, bifou ça sonne, ce cas à part. L'intégration, son seul visage, c'est un surnom. Mieux que Patrick, Dominique, Jean-Philippe, ou Gilles. Bifou ça pète, bifou c'est style. Ba-ba-ba-ya, ba-ba-ba-ya, ba-ba-ba-ba-ya. Sur son tracteur, quatre syllabes pour une rime. Bonnie and Clyde, sans vol ni crime. Un compte commun chez Jean-Main Pile. La vie à deux c'est plus facile. Il déambule bras dessus, bras dessous. Un compte commun chez Jean-Main Pile. La vie à deux c'est plus facile. Au clair de lune, bifou bijou ce cas à part. Seul visage, c'est un surnom, mieux qu'un blason, qu'une couronne. Bifou ça claque, bifou ça sonne, ce cas à part d'intégration. Son seul visage, c'est un surnom, mieux que Patrick, Dominique, Jean-Philippe ou Gilles. Bifou ça pète, bifou c'est style. Sa guitare et son bourdane, unique témoin de sa vie d'avant, de ses errances, de Nantavane, de cette époque révolue où il était chanteur de rue. À votre bon cœur, messieurs, messieurs, mesdames, de cette époque révolue où il était chanteur de rue pour l'anonyme du macadam, ce cas à part. Son seul visage, c'est un surnom, mieux qu'un blason, qu'une couronne. Bifou ça claque, bifou ça sonne, ce cas parle d'intégration. Son seul visage, c'est un surnom, mieux que Patrick, Dominique, Jean-Philippe ou Gilles. Bifou ça pète, bifou c'est dire. Ba-ba-ba-ya, ba-ba-ba-ya, ba-ba-ba-ba-ya, ba-ba-ba-ya, ba-ba-ba-ya, ba-ba-ba-ba-ya. Ça, c'est cette chanson-là, c'est quand tu chantes je, Amsterdam de Jacques Brel. Si tu l'as pas dans la tripe, ouais, c'est pas la peine de la chanter. Sinon, ça te bouffe 10 chansons avant. Ou 10 chansons après. Ba-ba-ba-ya, ba-ba-ba-ya, ba-ba-ba-ba-ya. bas.